Et bonjour François Morel. Bonjour. Aujourd'hui, 1er février, Antoine Salaire sort un disque et c'est l'information principale de la journée. Acheter son disque, écouter ses chansons, c'est pas un ordre, juste une invite, une invitation, une suggestion, un conseil, une recommandation. Oui, c'est du copinage, je suis d'accord, mais pourquoi le copinage serait forcément haïssable? Pourquoi une chronique pour un copain serait obligatoirement suspecte s'il se trouve qu'en plus de l'affection, on a de l'admiration pour son copain et qu'on voudrait voir son talent reconnu par le plus grand nombre? Pourquoi aurait-on tort d'attirer l'attention pour un ami qui, justement, et ça tombe bien, a une tête de copain? Antoine Salaire sort un disque. Achetez-le, c'est pas un ordre. Un petit peu quand même. Fin de ma chronique. L'amitié a cela de bien par rapport à l'amour qu'elle est volontiers partageuse. L'amour est jaloux, parfois inquiet, anxieux, mais l'amitié se distribue comme des bons becs sur la cour de récréation. L'amour peut être exclusif, mais l'amitié s'agrandit en même temps qu'elle se divise et la fraternité ne se décrète pas, ne se trouve pas forcément là où on l'attendrait. Antoine Salaire sort un disque aujourd'hui. Achetez-le, écoutez-le. Fin de ma chronique, il n'y a rien d'autre à dire. Parce qu'Antoine Salaire fait des chansons tristes qui sont marrantes, des chansons marrantes un peu mélancoliques, des chansons qui évoquent les couples séparés, les semaines B, les couples qui perdent, qui durent, les couples qui perdurent, les aubergines en janvier, les clémentines en juillet. Non mais franchement, vous me voyez faire le critique musical? On peut tourner la page depuis qu'on sait danser sous les orages. Vous me voyez dire que ce jeune homme sait écrire des textes impeccables sur des musiques acidulées? Vous me voyez signaler qu'il a le chic pour écrire des refrains impeccables, resserrés? On rêve d'ailleurs, on rêve. Antoine Salaire sort un disque aujourd'hui, écoutez-le, achetez-le si vous pouvez. Si vous trouvez le dernier disquaire résistant qui a réussi à rester dans sa boutique indifférent aux tempêtes du streaming, aux bourrasques de la musique en ligne, aux ouragans de Spotify et de la musique en tornade, en trombe, en tourbillon, si vous prenez le temps de le commander sur Internet, si vous êtes dégourdi, débrouillard, malin, Antoine Salaire sort un disque aujourd'hui que vous pouvez bien sûr télécharger. Personne ne vous en voudra, mais que vous pouvez aussi acheter physiquement, vu que la pochette est jolie, les paroles imprimées et les photos d'Aglaé Bory. Antoine Salaire sort un disque avec du violoncelle et un quatuor à cordes, et des saxophones et des chœurs et des guitares acoustiques et électriques. Qu'est-ce qu'il faut vous dire de plus? Qu'il est en concert le 11 février au Théâtre des Étoiles, 61 rue du Château d'Eau à Paris. Que le disque est produit par Le Furieux, mixé par David Chalmin, masterisé par Raphaël Jonin est dédié à Germain Hubert. Vous risquez d'oublier. Souvenez-vous juste qu'Antoine Salaire a fait un disque et qu'il sort aujourd'hui. Oui, Antoine, tu veux dire quelque chose? Merci, merci, merci, merci. Merci François Morel.